À l'occasion de la Journée du Soleil, l'exposition de livres, de photos et d'objets d'artisanat coréen a eu lieu à Sofia, Bulgarie. Dans la salle d'exposition étaient exposés les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, les photos montrant les exploits immortels des grands leaders et du dirigeant suprême Kim Jong-un. Y étaient également exposées les œuvres classiques des grands hommes Paektosan, les livres et les photos présentant la fière réalité de la Corée du Chuche, qui se développe grâce à la puissance de la capacité de se renforcer soi-même, et les objets d'artisanat témoins de l'intelligence et du talent de la nation coréenne. Y ont pris part les personnalités de divers partis politiques, formations et établissements, et les habitants, ainsi que l'ambassadeur coréen en Bulgarie et ses collaborateurs.